Chapitre 13e, la cavalière rouge. Au jour, ils reprirent leur marche en avant. Ils voulaient entrer à Rome de nuit. Il y avait une vingtaine de lieues à accomplir. Vers midi, à un tournant de la route, ils aperçurent de loin un groupe qui les précédait. Au milieu de la chaussée, un cheval blanc portait un cavalier vêtu de rouge. Sur les bas-côtés, des gens d'escorte montaient sur des chevaux noirs. « Un cardinal !» s'exclama Daubigné. « Eh oui ! Sa robe flotte au vent. » Ils piquèrent sur le groupe. Peu à peu, le cardinal se précisa. C'était une femme qui chevauchait, la jambe droite sur l'arçon de sa selle, à la mode de Catherine de Médicis. « Votre cardinal me plaît, Daubigné, » fit Givry en riant. On dépassa. Au lieu d'une tête chenue sous la barrette pourpre, c'était un admirable visage de jeune femme sous le bonnet à la piémontaise et l'aigrette blanche des personnes de qualité. La cavalière montait avec grâce une petite jument arabe à la crinière nattée. Sa taille souple se moulait dans une robe d'amazone en drap écarlate. Des gaudrons tuyautés de la fraise, son cou émergeait tel un lys. Les gentilshommes galamment saluèrent. La cavalière rougit un peu en répondant avec un sourire qui, semblait-il, s'adressait particulièrement à Givry. Nos amis avaient ralenti à la hauteur de la cavalière. Hors du groupe, ils donnèrent de l'éperon et bientôt furent loin. « Il me semble, dit Daubigné, que notre ami Givry est bien pensif. Il rêve à son cardinal. » Les autres éclatèrent de rire. « Avouez, dit Roselin, que cette dame a le plus ravissant minois qui se puisse contempler. » « Oui, convint la varenne, elle est véritablement jolie. Cheveux noirs, abondants, bouclés, des yeux de braise, immenses et délicieusement fendus. Et son rire, s'exclama Belcoeur. La bouche est exquise. » reconnut Agrippa, n'est-ce pas? Et je suis sûr que la dame est admirablement faite. On devine une taille svelte et onduleuse, des hanches aux contours délicats et des pieds de sultane. Ouais, s'écria le chevalier, quel lyrisme! Ah ça, mon cher Roselin, tu vas me faire croire que tu bâtis en amadou? Ou en étoupe? Ajouta Agrippa en riant à demi. Un peu refroidi par les plaisanteries de ses compagnons, Givry regarda par-devers lui les compliments qu'il décernait à la beauté de l'inconnu. Il détournait fréquemment la tête, s'attendant à voir apparaître au loin cette divinité. Mais rien ne se montrait sur la route. Vers midi, la troupe entra à Palo. Il n'y avait qu'une hôtellerie, sise sur le bord du chemin, et les Français s'arrêtèrent pour y déjeuner. Ils se mettaient à peine à table qu'un bruit de chevaux retentit devant l'auberge, et par les fenêtres éclairant la façade, on put voir la cavalière rouge mettant pied à terre. Belcoeur sentit son cœur battre avec force. Il guetta anxieusement la porte d'entrée. Mais la dame demandait une chambre pour réparer un peu le désordre de sa toilette poussiéreuse. Givry se résigna donc à attendre. Viendrait-elle ici? Dans sa distraction, il but plusieurs fois dans le verre de Guillaume. Enfin, l'inconnu entra, transformé de pied en cap. Elle portait à présent une robe de velours gris garnie de lacets d'or, avec des manchons écarlates, un chaperon orné de pierreries et une ceinture dorée moulant un buste souple comme gaule. Dans sa main gauche, un mouchoir de dentelle cambrésine, fleurant l'ambre, faisait valoir la finesse de ses doigts. Se levant aussitôt, les Français saluèrent avec respect. La jeune femme alla s'asseoir au fond de la salle et se fit servir. Durant tout le repas, Belcoeur, placé en face de la dame, la contempla éblouie. Elle s'aperçut vite du manège de Roselin, et elle-même fixa souvent sur le baron ses yeux sombres, expressifs, veloutés, amoureux et câlins. Plusieurs fois, leurs regards se croisèrent, et la jeune femme ne détournait pas tout de suite les siens. Au contraire, elle semblait les appuyer avec intention sur ceux de Givry, et un malicieux sourire soulevait furtivement le coin de ses lèvres corallines. À chaque fois, Belcoeur était tout frémissant d'un tendre émoi, et il se demandait par quel artifice s'entrer en conversation avec l'exquise voyageuse. Cependant, les gentilshommes avaient terminé leur repas, et la belle, elle-même, acheva presque en même temps le sien. Elle se leva et s'éloigna, non sans jeter sur Roselin, en franchissant la porte, un rapide regard, provoquant et moqueur, qui cingla le jeune homme comme d'un coup de fouet, car il n'ignorait pas que certaines femmes considèrent comme une offense toute résistance à leur séduction. Avidement, il cherchait à planter là ses compagnons pour pouvoir rejoindre la cavalière rouge qui déjà régnait sur son âme. Le dieu des amoureux sembla prendre pitié de lui, car soudain Sulpice entra dans la salle et vint dire à son maître que Lucine, sa jument, refusait de manger. « Hein ? » s'exclama Belle-Cœur. « Qu'est-elle donc la brave petite ? Je vais voir cela. » Il sortit vivement de la salle, tout heureux au fond, du hasard qui le servait si à propos. Mais il faut lui rendre cette justice qu'il s'inquiéta tout d'abord de sa jument. « Voyons, » dit-il à Sulpice, « comment est Lucine ? Où sont les écuries ?» L'écuyer sourit et murmura. « Pardonnez-moi, monsieur le baron, Lucine est très bien portante et a mangé avec beaucoup d'appétit. Hein ? Qu'est-ce que cette histoire que tu as inventée et pourquoi ?»« Voilà, messire, cette dame m'a demandé qui vous êtes. » « Et tu lui as dit ?» « Je lui ai dit, informez-vous auprès de mon maître, madame. Nul doute qu'il ne satisfasse votre curiosité. » « Et alors ?» « Alors elle est partie en disant que j'étais un serviteur bien fidèle et bien discret. »« C'est tout ?»« Oui, monseigneur. » « Ce n'est guère. » Et où est-elle allée ? Au jardin. Quant à moi, ces questions m'ont paru louches, et j'ai pensé qu'il convenait de vous en prévenir. Frémissant de joie, Roselin se dirigea à grands pas vers les bosquets voisins. Tout de suite, il entrevit la robe de l'inconnue au méandre d'une allée d'érable. Il se hâta vers elle. Au bruit des pas, elle se retourna, reconnut Belle-Cœur et rougit. Roselin la salua avec déférence. « Pardonnez-moi, madame, de venir troubler votre promenade et votre solitude. Mais mon écuyer m'avise que vous avez bien voulu prendre la peine de vous enquérir de ma personne. Je vais vous instruire moi-même avec le plus vif plaisir. Je suis, madame, le baron Roselin de Givry, officier et gentilhomme français, allant à Rome pour y remplir une mission. Venez voir en moi le plus humble et le plus respectueux de vos admirateurs. » Ces paroles avaient été prononcées avec infiniment de tact, de respect, d'enjouement. La voix chaude, harmonieuse de Belle-Cœur, son aisance, sa grâce, son charme mâle et élégant, ajoutaient beaucoup aux phrases elles-mêmes. L'inconnu, qui avait repris son assurance, se mit à rire d'un joli timbre et répondit. « Mon Dieu, monsieur, je ne veux pas être en reste avec vous. Je suis la comtesse Joanna Dolci, italienne de Rome, où j'habite le palais Dolci, près de la villa Médicis. « Excusez maintenant l'indiscrétion dont j'ai fait montre à votre égard, et ne croyez point que ce soit dans un but calculé. Je voulais tout simplement savoir qui était le chevaleresque gentilhomme que j'avais rencontré sur la grande route et qui m'avait salué avec tant de distinction. Vous me voyez confus de vos éloges, madame. À mon tour, de vous avouer que je suis infiniment heureux de la bonne fortune qui m'échoit de savoir le nom d'une femme adorable et de lui exprimer tous les sentiments que je sens naître en moi pour elle. » « Ah, vous êtes bien véritablement français !» exclama la comtesse. « Tant de galanterie, et si vite !»« Savez-vous, monsieur, que je vais croire tout ce que vous me dites, tellement vous savez bien le dire ?»« Oh, croyez-le, madame, je vous en prie, croyez-moi. Je suis on ne peut plus sincère, » fit-il avec chaleur. « En vérité ?» interrogea malicieusement Joanna. « Sur mon âme ?» La jeune femme demeura silencieuse et pensive. À quoi songeait-elle ? Sans doute à l'attrait que lui offrait cette aventure, si fraîche, si jeune, si ardente et si imprévue. Après avoir un instant respecté son silence, le capitaine implora. « Aurais-je le bonheur de vous revoir à Rome ? Peut-être. Les hasards sont grands. Il ne s'agit que de votre volonté, madame. Si Rome n'était pas le but de mon voyage, j'irai là maintenant rien que pour l'amour de vous. » Elle sembla vouloir répondre. Et en effet, ses lèvres s'ouvrirent, mais ce fut pour laisser tomber ses paroles. « Au revoir, monsieur. »« Mais où ? Les hasards sont si grands, vous dis-je. » »« Réponse cruelle. Ne le croyez pas. » En disant cela, avec un accent pénétré et grave, elle levait ses grands yeux sombres sur le baron à la fois désolé et radieux. « Votre main, madame, par grâce » supplia-t-il. « La voici, » fit-elle, tendant avec un gracieux abandon ses doigts aristocratiques. Belle-Cœur y mit un brûlant baiser, débordant de passion. Elle retira sa main, fit encore un geste cordial et disparut, légère, dans l'ombre d'un massif. Il sembla à Roselin que la lumière du jour s'éteignait. Vers le soir, une collation attendit nos amis avant de se remettre en route. En s'asseyant, Guillaume dit à Roselin « Eh bien, elle est partie. » Il y avait une légère raillerie dans sa voix, mais Givry ne répondit pas. Sous sa serviette, il venait de trouver un billet. « Après-demain, 4 heures du soir, au bas de Numa Perfecto, proche le château Saint-Ange,